aussi de nous rester fidèles. Voici tout de suite les titres de cette édition. Un an s'est écroulé et certaines familles qui ont subi les inondations à Gatumba demeurent toujours là-bas. C'est une trentaine de ménages qui disent vivre dans des conditions précaires et demandent d'être relocalisés. Alors que le ministère de l'Agriculture avait annoncé le début de la campagne d'achat des grains de maïs pour lundi le 16 juin, à Kayanza, les agriculteurs indiquent qu'elle n'a pas encore commencé. Vous entendrez les raisons de ce retard et la chronique nutrition de ce dimanche. Et sur la patate douce, vous êtes avec Doré Bingabile, Eric Ouimana assure la mise en onde. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, une trentaine de familles déplacées au chef-lieu de la zone Gatumba depuis l'an 2024 suite aux inondations demandent au gouvernement de les amener à Gateri, en commune Buganda de la province Chibitoke. Ils indiquent qu'ils vivent dans des conditions précaires. Ils dorment dans des tentes déchirées et sur des nattes usées. Cette situation est confirmée par le chef de zone Gatumba qui demande une assistance humanitaire en attendant qu'ils soient relocalisés. Les détails dans ce reportage d'Evariste Ndiko Banyanga. Hari mu kwa gatandatu cyariki mugasi ndazibuka gushika none umunsi ntibarasubira kugaruka. Devant les bureaux de la zone Gatumba, c'est là où ces familles viennent de passer à peine une année sans toutefois être relocalisées ailleurs. Comme c'était prévu, cette femme est venue avec une grossesse, son bébé commence à marcher. Cet enfant est le 9e, il est né ici devant le bureau de la zone. J'ai fui avec grossesse et il commence à marcher quand nous aide à quitter cet endroit. Dans des taudis en paille couverts de tentes déchirées, des nattes déchirées sur lesquelles ces familles dorment, voilà les causes de différentes maladies à l'endroit de ces familles abandonnées sur elles-mêmes. Des nattes avec lesquelles nous avons fui sont déjà déchirées. Nous dormons au pavement. Nous sommes malades suite aux intempéries. Nous n'avons même pas de couverture, de moustiquaires, ni de bidon à puiser de l'eau. La promiscuité est source de divorce dans ce lieu d'accueil de ces familles en détresse. Les enfants de 20 ans dorment à côté de leurs parents. C'est vraiment déplorable, raison pour laquelle certains maris ont quitté leur famille. Le chef de zone Gatumba, Jean Muyoboke, demande aux bienfaiteurs de venir en aide à ces sinistrés qui campent devant les bureaux de sa zone avant de les amener dans le site prévu. Je ne sais pas ce qui a manqué, mais ils sont en attente car lors de la délocalisation, on les a demandé d'attendre. Dans nos rapports, nous signalons toujours leur situation humanitaire très précaire. Nous attendons toujours l'action de ces bienfaiteurs. Plus de 600 familles de Gatumba sont déjà relocalisées vers Gateri, en commune Buganda de la province Chibitoke, depuis juin 2024, suite aux inondations causées par la rivière Rusizi et le lac Tanganyika. Évariste Nzikobanyanga, parlant agriculture, les agriculteurs de la commune et province de Kayanza disent que l'achat des grains de maïs par l'ANAGESA n'a pas encore commencé. C'est au moment où le début de la campagne d'achat était prévu ce lundi le 16 juin. Ils demandent que cette activité débute pour qu'ils puissent trouver de l'argent pour payer les fertilisants et les semences pour cette saison culturelle. C'est en cours. Bitinda Ernest, agent de la coopérative d'investissement agropastoral, explique que ce retard par le désengorgement des hangars de stockage où sera conservée la production qui sera achetée. Patrick Nsengiyumba. Les agriculteurs en commune et province Kayanza contactés disent que l'ANAGESA n'a pas encore acheté leurs grains de maïs. Ils font savoir qu'ils ont été pourtant au courant d'un communiqué du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions, un communiqué selon lequel l'achat de ces grains de maïs devrait commencer avec le début de la semaine en cours. Les agriculteurs à Kayanza indiquent que si l'on achetait leurs grains de maïs, ils trouveraient facilement de l'argent pour payer la sorte des fertilisants et des semences pour cette saison culturelle. D'autres agriculteurs font savoir que ces jours-ci, il faut face à différentes fêtes. Comme ça, il y trouverait de l'argent pour l'organisation de ces fêtes-là, ainsi que l'argent nécessaire pour subvenir à différents besoins fondamentaux de leur famille. Interrogé à ce propos, Bitsinda Ernest, agent à Kayanza de la coopérative d'investissement agropastoral SIAP en sigle, celui-ci nous a indiqué que dans un très proche avenir, l'activité d'achat de ces grains de maïs des agriculteurs va commencer. Il explique que ce retard est dû au désengorgement des hangars de stockage où sera conservée cette production du maïs qui sera achetée. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick, on reste toujours à Kayanza. Parlons cette fois-ci de ces habitants de la colline Kivuruga en commune Gatala qui se réjouissent que le centre Kivuruga est aujourd'hui électrifié, ce qui leur permet d'exercer des activités de développement nécessitant le courant électrique. Alain Chimilimala, directeur de l'école technique Kivuruga, dit également se réjouir de cette électrification. Il explique que les derniers jours, les élèves devaient parcourir de longues distances pour apprendre les cours d'informatique. Pour les détails, nous appelons encore notre correspondant Patrick. Certains des habitants de la colline Kivuruga en commune Gatala de la province Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus disent se réjouir que cette localité est aujourd'hui électrifiée. Ils indiquent que cela permettra à leurs enfants scolarisés de bien réviser les cours. D'autres disent que des moulins ont été implantés à Kivuruga alors que les derniers jours, ils étaient obligés de parcourir de longues distances pour la mouture du maïs et du manioc sec. Les habitants de la colline Kivuruga trouvaient que des activités de développement nécessitant du courant électrique vont bientôt être multipliés dans cette localité. Alain Chimilimana, directeur de l'école technique Kivuruga, fait savoir que les derniers jours, la pratique des cours d'informatique était mal dispensée car les élèves étaient obligés de parcourir de longues distances à la recherche de l'électricité, ajoutait-il. Le directeur de l'école technique Kivuruga trouvait que ce courant électrique permettra l'amélioration du rendement scolaire. Les habitants de la colline Kivuruga demandent à l'administration la construction d'un centre de santé pour accéder facilement aux soins médicaux. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI. Sur X, c'est RTI Isanganiro. Et sur Instagram, c'est Isanganiro. Dans la suite de cette édition, une maison d'une famille du chef-lieu de la province Karusi a pris feu l'après-midi de ce samedi à une centaine de mètres du bureau provincial. La famille et les habitants qui s'y sont précipités pour maîtriser ce feu indiquent que son origine serait le courant électrique et qu'il a commencé par le compteur. Le responsable provincial de la régie des eaux qui était sur place ne le confirme pas, mais il fait savoir que ces jours-ci, l'approvisionnement d'électricité connaît certaines difficultés liées à un disjoncteur d'un transformateur qui a été abîmé, non encore remplacé. Blaise Pascal Kalaloumié nous en dit plus. Ce fait qui a incendié ce samedi, cette maison du chef-lieu de la province Karusi, à la première avenue du quartier Nyamugari, a commencé par le compteur de l'électricité de la régie des eaux. Cela est indiqué par les membres de la famille qui étaient dans le ménage, et même les habitants qui étaient tout près et intervenus les premiers, signala que c'était vers 16 heures. Les gens se sont vite précipités à aller aider pour éteindre ce feu, certains aidant pour couper l'électricité, d'autres aspergeant de l'eau, et d'autres encore levant les tôles là où arrive le feu, en vue de stopper la propagation du feu vers toute la maison et protéger d'autres maisons sur place. Il remercie les agents de la régie des eaux et de la police qui sont arrivés tôt et aidés avec les voisins jusqu'à maîtriser le feu. L'incendie qui s'est déclaré déjà au niveau du barza de la maison l'a complètement emporté avec tout ce qui s'y trouvait, dont un salon et d'autres objets. Pour l'origine de ce feu, le chef d'antenne provinciale de la régie des eaux, qui était aussi sur place avec la population, ne confirme pas l'origine de ce feu comme l'électricité de la régie des eaux, comme cela est indiqué par ceux-là qui étaient sur place au début. Cependant, son responsable provincial de la régie des eaux signale que l'approvisionnement l'approvisionnement d'électricité dans cette localité connaît actuellement des perturbations. Il explique que ces perturbations sont liées à un disjoncteur qui avait pris feu il y a quelques mois, mais qui n'a pas été remplacé alors qu'il aidait le transformateur dans l'alimentation de l'électricité dans cette localité. Son responsable indique que son matériel est déjà en commande. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumine pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La patate douce est une excellente source de provitamine A ou bêta-carotène, indispensable pour la santé des tissus, au système immunitaire, à la croissance et pour la vision nocturne. Jean-Paul Louinez, chercheur nutritionniste, explique qu'avec une forte teneur en antioxydants, a un effet protecteur sur les cellules tout en prévenant leur vieillissement. Chronique nutrition avec Jean-Marie Mayong. La patate douce, grâce à sa forte teneur en vitamine A, favorise une bonne vue, contribue aussi à la production de la collagène pour une belle peau. Selon Jean-Paul Winez, chercheur nutritionniste, la patate douce est indispensable à la santé humaine. La patate douce cuite est un tubercule aussi riche en vitamine A. Aussi, la patate douce est la source de la vitamine C et la vitamine B6 est aussi très riche en manganèse et en potassium. La tubercule de la patate douce contient beaucoup de choses très importantes. Aussi, les glucides qu'on appelle bioactifs et aussi les protéines et aussi les lipides et les caroténoïdes, d'où beaucoup des patates douces ont des couleurs violettes ou bien des couleurs rouges, des couleurs jaunes, ainsi de suite. Les personnes qui ont des problèmes de vue et de veines peuvent consommer beaucoup la patate douce. La patate douce est une tubercule très importante pour le système immunitaire. Il est très important pour le système immunitaire. Et aussi pour aussi les problèmes des yeux, et aussi très riche, comme la patate douce est très riche en vitamines ou bien en anthocyanes ou bien les caroténoïdes, c'est très important pour les artères et la santé des artères, la santé des veines et aussi la santé de la peau. Parce que si un aliment est très riche en vitamine A et aussi en vitamine C, vous verrez que cet aliment-là va contribuer à notre santé de la peau. Et aussi, la patate douce doit être utilisée pour des personnes qui présentent, en fait, qui font des travaux vidants, des travaux lourds, parce que c'est très riche en kilocalories et surtout en glucides ou bien les hydrates de carbone, donc ça donne beaucoup d'énergie pour des personnes qui font des travaux vidants. Quant à sa préparation, Jean-Paul Winéza signale qu'il faut cuire entière au four ou purement naturel. La patate douce se prépare dans plusieurs façons. Ça peut être préparé d'une façon purement naturelle. On peut prendre la patate douce ou bien le tubercule de la patate douce, puis vous mettez dans une casserole bien dans une marmite, puis vous ajoutez de l'eau, puis vous faites votre cuisson comme d'habitude. Ça peut être cuite dans le four, et aussi vous pouvez faire sauter les patates douces, mélanger avec des oignons, oignons rouges, persil, poivre, ainsi de suite, et aussi ajouter aussi d'huile, de tournesol. La patate douce est originaire de l'Amérique du Sud, mais au Burundi, la patate douce est beaucoup cultivée. Jean-Marie Mayonga, et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés avec intérêt. Vous étiez avec Doré Bingabilé, Eric Ouiman assuré, la mise en onde. Bon dimanche à tous. Issa.